Ton sourire est un phare, une flamme dans la nuit noire, un antidote au désespoir. Tu souris sans cesse, de ton cœur plein d'ivresse, tu changes la tristesse en liesse. Valérie, Valérie, Valérie, Valérie. Ta voix est un peu rayée, comme un vinyle oublié, une Madeleine de Proust inespérée. Je t'écouterai l'éternité raconter cette folle bonté qui jaillit de toi sans arrêt. Valérie, la ville est pleine de mensonges, d'ignominie. Tu es la seule personne qui me donne envie de croire en l'humanité. Chercher dans mon passé toutes ces personnes rencontrées, même si certaines s'en rapprochaient, elles n'étaient pas aussi belles, aussi belles, aussi belles que toi, Valérie. J'espère que jamais on t'oublie, que jamais tu t'oublies, que du monde te chérit, que tout le monde te sourit, que quelqu'un te sourit et t'aime à l'infini. Valérie, la ville est pleine de mensonges, d'ignominie. Tu es la seule personne qui me donne envie de croire en l'humanité. Sortent de ta bouche.